Pour patienter, on va raconter une petite blague. Hein, petite blague, non? C'est Carlos et Maïté qui sont sur un bateau. Le bateau coule. Merci beaucoup.